il était une fois l'amour, un cœur ému. Merci, Natata Nzambe, Banali Kaboya la vie. Meninga na Zalimboka, na Sengi Ozala, Zonga Zonga Nangaye, Oho Paka Nangaye, Mwa Mama. Ebonga Saki, Mama Ima Kiko Botata, Ebonga Saki, Nzamba Pima Kina Bongo Ye, Meninga Moya Mibale, La vie n'a pas eu, aussi bien à ma boko maïo. Dime ni poli de tumbinga motema, elimina ya etondinga moli mo baba. Yamanga na motema na yo, yamanga menie. Yamanga na motema na yo, mama. Yamanga menie. Menie, meni na leli. Yamanga menie. Meni, meni mwana ya ko. Yamanga menie. Meni, meni wapi esti. Yamanga menie. Yabanga menie, Yabanga menie. Mais ni vraiment, on a ni la vérité dans la vie. Ce qui m'a dit, c'est que je suis là. Zalaka Mandeko batinde liyombote Mini ko batinde liyambo te nini Vamos, beleza, Rico Star.